Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, un film pour se faire peur. Après un séjour en clinique psychiatrique, Anna revient chez elle, décidée à éclaircir les étranges circonstances entourant la mort de sa mère. Pendant sa convalescence, son père est tombé amoureux de Rachel, l'ex-infirmière de la disparue, qui est venue vivre chez eux. Pourquoi cette nuit-là s'est effacée de ma mémoire ? Tu as perdu ta mère dans un incendie, peut-être que c'est aussi bien de tout oublier. Entre chez toi, tout s'éclaircira. Alex, tu m'as tellement manqué. Je suppose que t'as vu la nouvelle copine de papa. Je suis si heureuse que tu sois de retour. J'espère que tout se passera bien et que tu resteras. Je suis désolée, Anna. J'avais l'intention de te parler de Rachel. Elle s'est installée quand ? Il y a un mois. Elle fait tout ce qu'elle peut pour qu'il se remette. 3 fois par nuit. Écoute, Anna, c'est normal que tu détestes la nouvelle copine de ton père. Mais j'espère sincèrement qu'on va réussir à s'entendre. Tu arrives trop tard. Alex, quelque chose s'est produit. Oui ? J'ai fait un cauchemar. Il y avait des enfants. Je crois qu'ils essayaient de nous mettre en garde. Dieu sait pour quelle raison votre fille s'est mise dans la tête que votre fiancée avait tué la famille pour laquelle elle travaillait. Il faut qu'on sache qui est exactement Rachel Summers. Les Intrus, un film de Charles Guard, un DVD Paramount.